La première fois, c'était en Thaïlande. À Naples. Malte, et je suis restée 2 semaines et demie en Grèce. À Amsterdam. À Barcelone. En Thaïlande. En Italie. En Indonésie, donc à Bali. 3 mois seule en Australie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Bougeotte, le podcast des femmes qui voyagent. Je suis Marine et comme d'habitude, je suis avec Daisy et Laura. Salut les filles. Salut. Comment ça va? Ouais, plutôt bien, on a la forme. Ouais, la forme aussi ce soir. Comment tu vas? Moi, je vais plutôt bien. C'est le premier podcast qu'on enregistre en 2018, je suis contente. Ça s'est bien passé votre... Oui, c'est vrai. Notre passage de la nouvelle année. Nouvel an. Et oui, elle a été très cool. Je l'ai fait... Attends. Ouh là là, déjà le blackout. Non, je me rappelle plus de l'endroit où j'étais avant la reine et c'était trop cool. Ah, et toi Daisy? Bah en fait, je sais déjà. Hein. Oui, oui, on vous l'avait dit, on était à Varsovie au Nouvel An avec Daisy. Bon, la reine c'est bien aussi. Bah nous c'était sympa, on a passé une bonne soirée, j'ai quelques petits souvenirs sonores étranges. Sorry, I'm a journalist right now. How are you feeling for the end of 2017? To pass the new year here in Poland with all these international friends and mostly Polish friends but, and mostly vodka but c'est pas du tout radiophonique. Quoi ? Ce décompte polonais est pas radiophonique. Non, ce décompte polonais est moyennement radiophonique. Okay. Bon. Passons à la suite. Qu'est-ce que vous avez comme voyage de prévu en 2018 ? Est-ce que vous avez des projets ? Oui. Bah, je pars bientôt. Je pars dans 1 semaine et demie, un truc comme ça. Et pour changer, bah, je pars en Iran. Voilà. Et normalement, c'est pas bien parce que normalement, on avait dit qu'on faisait pas doublon de destination maintenant qu'on avait le podcast. Oui, mais on n'avait pas de podcast à l'époque, donc ça comptait pas. Voilà. Et j'y retourne pour le podcast. Un point partout. Voilà. Bon, tu vas bien t'éclater et nous, on va se remettre à enregistrer à distance. S'il me laisse entrer, déjà, c'est une chose. Croiser les doigts pour Daisy. Voilà, donc je compte aller en Iran. Si je vais pas en Iran, bah, j'irai pas en Iran. Et après, j'aimerais bien aller en Turquie en revenant, passer une petite semaine à Istanbul et pourquoi pas aussi cet été un petit voyage en Pologne, un petit festival de prévu enfin, qui est en train de se négocier. Cool. Voilà. C'est plutôt cool. Et toi, c'est Laura? Plutôt le fun. Et ben, moi, du coup, j'ai commencé un nouveau boulot et du coup, pour l'instant, j'ai pas de vacances. Mais voilà, je me fais des petits week-ends par-ci, par-là. J'ai fait un week-end au Mont-Saint-Michel, c'était trop cool, en voiture et tout, c'était trop cool, c'était trop beau. Pour ton anniversaire? Oui, pour mon anniversaire. Instant cheesy. Et du coup, voilà, mon prochain rêve, ce serait l'Islande. Mmh. Mais ça sera sûrement pas pour cet été, vu les prix. J'ai commencé à regarder et voilà, c'est juste de la folie furieuse là-bas. Donc voilà, peut-être pour l'année prochaine. Oui, on te confirme que c'est de la folie furieuse. Il y a pile poil un an, on y était en Islande. Tout juste avec un an, ouais. On s'est fait un petit voyage là-bas qui, c'est vrai, nous a coûté un petit peu cher, même si c'était hors saison. Petit rein. Hein. J'avais vu vos photos et ça va, il nous en reste un. Et du coup, allez-y aussi en hiver, c'est magnifique. Ouais, c'est vraiment sublime. Ça vaut vraiment le coup. On se pèle un peu, nous, on a eu de la chance. Hein. C'était un hiver clément, paraît-il. On s'est pelé, quoi. Mais c'est vraiment un pays magnifique, ça vaut le coup. Et ouais, ça vaut le coup aussi d'y aller en hiver parce que c'est un chouïa moins cher. Bah, je retiens, je croise les doigts. Oui. Et toi, Marine? Bah, moi, j'ai un dilemme éthique pour cette année. Oui. Oui, parce que ça fait des années que j'ai envie d'aller faire le trek du camp de base de l'Everest au Népal. Et que j'ai envie de voyager au Népal d'une manière générale, que j'avais envie. Là, je m'étais dit, je vais me faire 2 mois au Népal, je ferai du tourisme et puis je me ferai ce trek de Katmandou au camp de base. Et puis, je me suis un petit peu renseignée sur les conditions là-bas et le tourisme de masse au Népal a des conséquences plutôt très néfastes. On peut voir des photos justement autour de ce fameux camp de base qui sont recouverts de déchets. Enfin, c'est assez honteux. Et du coup, bah, je me demande... Ouais, c'est ce que je dois faire pour les habitants d'avoir autant de touristes. C'est vrai que ça a mauvaise réputation depuis quelques années, mais je n'ai pas vraiment trop creusé la question. Mais pour moi, le Népal, c'est vraiment associé aussi à ce tourisme qui fait du mal en fait, au pays, parce que ce n'est pas que la faute des touristes, c'est aussi la faute de la manière dont tout ça est organisé. Et, c'est vrai que ça pose la question, est-ce que je dois y aller? Est-ce que j'ai envie d'y aller dans ces conditions? Bah c'est ça. Et puis, est-ce que je participe à ça? Ou bien, est-ce qu'il y a un moyen d'y aller et de bien faire les choses et de faire un voyage éthique, etc.? Sûrement, oui. Donc voilà, pour l'instant, c'est un peu en stand-by, ce gros voyage dont j'avais très envie. Bah voilà, je pense que c'est aussi ce genre de questions qu'il faut se poser quand on voyage, si on veut être un petit peu responsable. Donc ça serait mon rêve, mais on verra. Voilà. La bougeotte éthique. Ouais. La bougeotte éthique. Bon, on passe à la suite, Laura. Ouais. Tu nous as préparé quelque chose. Ouais, je vous ai préparé une petite pépite. Si je vous dis un métier qui permet de voyager tout le temps et partout, vous pensez à quoi ? Mais nous, on sait, alors bon. Il aurait fallu nous poser la question plus tôt. C'est... Oh. Mais je suis sûre que toutes les personnes qui nous écoutent pensent hôtesse de l'air. Non, Stewart. Tu crois ? Oh. Les filles, vous êtes trop fortes. Mais évidemment, c'est parce que c'est notre public. Bingo. Ce mois-ci, j'ai donc interviewé Anne, qui est hôtesse de l'air chez Air France. Depuis pas mal de temps, elle pourra vous raconter. Et donc voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a fait rêver. Elle m'a parlé de son métier, de son rapport au voyage, de 3 milliards de choses qu'elle a vues. Donc évidemment, ça ne tient pas dans une seule interview. Mais je vous laisse écouter parce que franchement, moi, elle m'a emportée très loin et je pense que vous aussi. Le mot voyage est un peu étrange pour moi parce que un voyage, ça se prépare, ça, on a envie, on a un désir d'aller quelque part, là et pas ailleurs. Moi, c'est pas moi qui vais choisir où je vais. Là, par exemple, j'arrive de Tokyo. Lundi, je pars au Ghana. Ensuite, je vais à Shanghai. Et ensuite, je crois que je vais à La Havane. Mes vols sont complètement imprévisibles, quoi. Je ne sais jamais si je pars vers l'est ou vers l'ouest. Je m'appelle Anne. J'ai 63 ans. Et je suis hôtesse de l'air à Air France. Je suis une ancienne, on va dire que je suis la plus ancienne de navigante hôtesse de l'air. Donc il y a deux parties. Il y a la partie transport de voyageurs, qui là aussi, bien sûr il y a la fatigue du travail debout et tout ce qui implique dans mon métier, mais il y a les rencontres. Toutes sortes de gens, ils voyagent pour toutes sortes de raisons. Ils sont 400, 500 dans mon avion et y en a qui sont tristes, il y en a qui sont en business, il y en a qui sont hyper contents, qui partent craquer leurs vacances dans un endroit dont ils ont rêvé, tu vois. Et voilà, et donc ça, ces rencontres-là, tu t'aperçois que tu as le monde. Et ça, j'aime beaucoup ce contact, ça m'émeut de transporter ces gens. Il y a celui qui a peur, celui qui est content, il y a celui qui prend l'avion pour la première fois. Et il se passe quelque chose à ce moment-là, dans ce milieu hostile, parce qu'on est en suspension au-dessus de nulle part, au milieu de la nuit, ce vide abyssal noir, 10 000 mètres d'altitude. Et là, il y a des choses qui émergent, qui sont des tranches de vie, des échanges, des rires, des partages. Dans les rencontres qui m'ont marqué, il y en a une qui était au tout début de ma carrière. C'était un monsieur âgé, qui était un chercheur, je ne me souviens plus en quoi, mais c'était un sage, une espèce de philosophe. Et on s'est mis à parler, il avait la lumière dans les yeux, il m'a regardé, il m'a dit « c'est pas un métier pour femme ce que vous faites ». Mais il me l'a dit très gentiment, il m'a dit « c'est un métier, c'est pas un métier pour les femmes ». Et je ne me souviens plus très bien comment il a développé son argument, mais ça me fait touché, ça m'a interpellé. Moi, je trouvais que c'était éclatant d'aller à tout bout de champ, à tout bout du monde. Et après, j'ai réfléchi, plus tard, quand j'ai commencé à avoir des enfants, et j'ai réalisé à quel point c'était un métier qui était difficile quand on a des enfants jeunes, par exemple. Donc, effectivement, j'ai compris à ce moment-là ce que ce passager avait voulu me dire. C'est très dur. Ce métier est extrêmement dur. Laisser un nourrisson et partir à Tokyo ou à Santiago du Chili ou à Sydney. Je me souviens d'être partie 21 jours de rotation après la naissance de mon fils. Je suis partie 21 jours. J'ai laissé un bébé que j'avais juste quitté du sein. C'était extrêmement dur. Extrêmement dur à tel point que je me jetais sur tous les nourrissons que j'avais à bord. Madame, ne laissez-moi, je vais m'en occuper de votre bébé qui pleure. Effectivement, j'ai des amis hôtesses qui m'ont dit « Ah, enfin, je laisse les couches, c'est super, je reprends le boulot. » Mais moi, non, j'avais l'œil humide au fond de mon hôtel. Donc ça, c'est une question de tempérament, effectivement. Effectivement. Mais c'est, je trouvais que c'était très dur, ça. Après, tu arrives sur l'escale, tu bouges. Ça, c'est par contre, je dirais, ma force, mon envie, c'est que j'ai vraiment le désir de bouger. Je n'ai aucune appréhension. J'ai jamais eu d'appréhension de l'étranger. Jamais. Ça m'est jamais arrivé. Donc, j'ai commencé 10 ans de ma carrière plutôt sur des vols en Afrique noire. Et là, je posais l'avion, hop. Ah, je suis partie tout le temps, tout le temps. Et là, en escale, alors, c'était tout le temps des rencontres. Et quand tu bouges seul, parce que tu bouges parfois, je bouge... en fait, je bouge avec les autres, mais je préfère être seule que mal accompagnée, on va dire. Voilà. Voilà. Donc, j'ai envie de rencontrer. Voilà. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe pour moi en escale. L'Afrique noire, c'était le début de mon métier. Et la chance, c'est que tu ouvres la porte et parles ta langue. On te parle français. Ça change tout, évidemment. C'est quand je vais en Chine... Je ne parle pas le chinois, donc c'est autre chose. Je vais plutôt me régaler des yeux, de regarder comment font les gens, de pousser les portes. Ça m'est arrivé de m'asseoir dans un parc en Chine et qu'une vieille chinoise vienne à côté de moi et qu'on se mette à chanter. Moi, je lui chante au clair de la lune, elle me chante des trucs en chinois. On partage un thé dehors sur le banc public. Et ça me régale. Voilà. Mais évidemment, en Afrique noire, c'est le cadeau. C'est-à-dire que je sors, je vais au marché, et là, c'est les rencontres. Parle ma langue, c'est un cadeau pour moi. Voilà. Et parfois, il se passe des choses qui sont tristes aussi, hein, devant moi. Hein. Et ben, par exemple, je sors du restaurant et je vois toutes ces familles sur les trottoirs de Calcutta. Tu as la bedaine pleine. Et qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais pour qu'est-ce que c'est que ce monde qui souffre? Et ça, je le vois aussi. Hein, je suis pas étanche à ça. Et l'autre jour, je suis allée sur un marché à Lomé au Togo, et devant moi, il y a deux jeunes qui se sont fait abattre. Ils venaient de voler. Ils ont été tués devant moi. J'ai enjambé leur corps. J'en ai parlé avec les gens, les Africains avec qui j'étais là. Ils trouvaient ça normal qu'ils avaient volé et c'était comme ça. Et donc il se passe aussi des choses auxquelles je m'attends pas, qui sont chocs. Hein. Mais bon, c'est la plupart du temps, je vois du beau et je vois du bon et je vois de différent. J'aime mon métier, mais alors vraiment, il est fait pour moi. C'est-à-dire que j'ai la chance de survoler la géographie du monde. C'est la misère quand je vois rien. Quand c'est la nuit ou quand c'est tout brumeux et qu'il n'y a rien à voir. Mais les survols, c'est magique. La débâcle des fleuves de Russie, quand tu survoles ça, c'est extraordinairement beau. Le Nil, quand tu pars du Caire et que tu remontes et puis que tu arrives à... Cette vallée du Nil, et puis ensuite tu continues, tu pars par la botte de l'Italie, tu remontes, tu arrives sur les Alpes, tu as le Mont Blanc, tu as tous défilé, c'est scotchant quoi. Voilà. Quand tu pars dans le sud vers l'Afrique, que tu survoles ce désert pendant des heures qui est toujours différent, ce lever de soleil par le cockpit, là j'arrive de Tokyo, ben, le soleil il s'est jamais couché, et on l'a suivi, ces survols sont magnifiques. C'est une drogue. Ça va manquer. Quand je vais arrêter. Je me dis qu'un matin, je me réveillerai et je me dirai, bon, bah, ça y est, je fais le tour de la question et je ne travaille plus. Donc, ça sera très vite. Je partirai, je pense, subito. Parce que si je dis à Air France que je m'en vais, je signe tout de suite mon départ. Je pense. En un mois, je suis partie. Je peux dire que j'ai la chance d'avoir fait un métier qui correspond à mon tempérament, c'est-à-dire la bougeotte. Voilà. Donc, il m'arrive quand même de partir avec les semelles de fonte, hein. Bien sûr. Je pense que personne n'échappe peut-être à ça dans son travail. Donc, ça m'arrive de partir avec les semelles de fonte à 4h du matin jusqu'à chez moi pour décoller à 13h35 pour une destination lointaine. Mais en fait, une fois que tu as l'uniforme et que tu pars à bord, c'est la pièce de théâtre, c'est parti. Voilà, ça va se passer, il va falloir que tu mettes toute ta pêche pour que ça se passe bien. Et voilà, ça m'a nourri et je pense que j'étais faite pour faire ce métier, ouais, finalement. Alors, est-ce que j'ai passé plus de temps en l'air que sur Terre? Parfois, je me demande si je rajeunis ou si je vieillis, parce qu'avec tous ces décalages que je cumule, peut-être au fond, j'ai que 40 ans. Voilà, c'était le témoignage d'Anne. Wow. C'est cool. Ouais, elle est vraiment trop... Enfin, c'est vraiment un métier qui fait rêver. Et tu te dis que c'est clair, ça doit être trop dur physiquement et tout. Mais quand tu l'entends, elle... Eh ben ouais, non, tu vois, moi, au contraire, wow. C'était un métier qui me faisait pas vraiment rêver. Et là, quand je l'entends, elle... Carrément. Moi, c'est toutes les rencontres, en fait. Ce qu'elle raconte, c'est dingue à quel point c'est enrichissant. Je trouve aussi, et en plus, ça se voit, ça se sent dans sa voix, qu'en fait, elle est passionnée par son métier, tu vois. Et quand elle dit « ce métier est fait pour moi », mais tellement, enfin... Et puis, tu vois le côté... Moi, j'adore le côté « le monde vu d'en haut ». Elle sait exactement par où elle passe. Elle te parle de la vallée du Nil, elle te parle de quand elle survole les Alpes et tout. Et quand elle t'en parle, moi, j'aimerais pouvoir le voir avec ses yeux, tu vois. Tu m'étonnes. Bah, tu les vois Russie, presque, les images. Bon, moi, je voudrais quand même revenir sur un petit truc. Vous vous doutez peut-être de quoi je vais parler. En plus, en ce moment, je travaille sur la parentalité dans mon boulot parce que je suis journaliste et je suis spécialisée du droit des femmes. Et ça m'a interpellée quand elle parlait du fait que c'était, enfin, que quelqu'un lui avait dit que c'est pas un métier fait pour les femmes. Et moi, je comprends tout à fait que, à mon avis, quitter son enfant ou même son bébé, ça doit être très, très dur. Pour un parent. Voilà, pour un parent. Après, c'est vrai que c'est une autre époque aussi, ce que tu dis. Je pense que c'est ça. Voilà, quel âge elle a ? 63 ans. 63 ans. C'était, je pense qu'à l'époque, en plus, la pression de la société sur une femme qui venait d'avoir un bébé... Complètement d'accord. ...était totalement autre. Donc, je peux comprendre qu'elle ait entendu aussi. Ce qui l'air, voilà, même si, évidemment, je pense que c'est un métier qui est... Je suis complètement d'accord. ...qui est fait et qui est difficile pour les hommes comme pour les femmes, quoi. Mais je pense qu'elle n'était pas... Enfin, tu vois, après, elle m'a dit, bah oui, c'est une question de tempérament. Il y a des femmes qui étaient trop contentes de quitter les couches et d'aller décoller vers une destination lointaine, quoi. Après, elle dit juste... Elle l'a ressentie comme ça. Mais oui, effectivement, qu'il y avait 3000 fois plus de pression sur les femmes à cette époque-là qu'il y en a maintenant, même si maintenant, il y en a encore trop. Mais voilà. En tout cas, c'était un super Et ça donne trop envie de se retrouver dans un avion, quoi. J'adore comme elle en parle comme une pièce de théâtre. Ouais, c'est ça. Et je la vois trop naviguer entre les allées et se dire, il y a l'histoire de l'un, l'histoire de l'autre. Ouais. Enfin, elle a ses tranches de vie, en fait. Et ça doit être génial. Tu sais que c'est un truc que je me dis à chaque fois que je prends l'avion. Je me dis, il y a sûrement dans cet avion quelqu'un qui prend l'avion pour la première fois. Ouais. À chaque fois, je pense à ça, tu vois. Ouais, mais c'est une sociologue. Elle comprend et elle analyse tout. Et elle sait, tu vois, elle sait qui est quoi, sur ce vol. Bon, on passe au thème. Un petit peu qu'on avait envie d'aborder depuis un moment dans la bougeotte parce que c'est un truc qu'on nous rappelle souvent et c'est vrai que c'est un truc qui est hyper important. C'est la question... Attends, n'est-ce pas ? Alors, je vous ai préparé une petite intro pour que vous deviniez le sujet parce que la question centrale dans le voyage, vous n'avez pas encore deviné, donc je vous laisse écouter ça. Attention, Ça, c'est mon or. Et mon nom, c'est mon argent, voilà. Pognon, j'entends parler que de ça tous les jours. Mané, regarde les petits corps, ils s'envolent. Vas-y, petit petit corps. C'est trop cool. Money. Get away. Get away. Vas-y, montez sur la table. À la limite. À mesure que j'ai de l'argent, je deviens de plus en plus avare. C'est-à-dire mon complexe anal se rétrécit. Et vraiment, j'aime l'argent juste pour l'idée d'avoir la banque qui se remplit tous les jours de plus d'argent. Voilà. L'argent. Les liftons. Comment est-ce qu'on voyage avec ? Comment on fait pour voyager ? Voilà. En fait, c'est vrai que c'est clair que c'est le truc qui revient tout le temps, que nous, on a, je pense, tout entendu, et qu'en tout cas, sur les forums, etc., on voit aussi beaucoup revenir. C'est, vous partez en voyage, c'est cool, mais vous faites comment niveau pognon ? Vous êtes riche ? Alors, la réponse est non. Je pense qu'on a un bon panel représentatif de personnes sans argent. Enfin, pas avec beaucoup d'argent, hein. Soyons clairs. Et c'est vrai que moi, pendant longtemps, j'ai eu cette idée aussi qu'on ne pouvait pas voyager sans argent, en fait. Parce que quand j'étais plus jeune, je n'ai pas beaucoup voyagé. Je voyageais dans la famille, mais c'est vrai que mes parents n'avaient pas forcément l'argent de m'envoyer à droite à gauche. Et du coup, je me disais, c'est à cause de ça que je ne peux pas voyager. Et premier voyage que j'ai fait vraiment par moi-même, où j'ai tout payé, j'avais 20 ans, j'avais vraiment pas de pognon, totalement à l'arrache, auberge de jeunesse pourrie, etc. Et ça a été le lancement et je me suis rendu compte depuis que, on peut voyager en n'ayant pas d'argent. Et la preuve, je repars alors que je suis totalement fauchée. Et du coup, je me demandais, vous, les filles, c'était quoi votre rapport, votre perception de l'argent, quelle place ça a dans le voyage, en fait, et si ça a été un obstacle ou comment ça s'est passé, est-ce que vous l'avez pensé ? Moi, en fait, c'était un peu pareil. Avant de voyager seule, je ne m'étais pas rendu compte que c'était possible de voyager sans avoir beaucoup d'argent. Mmh. Et c'est vraiment quand j'ai fait mon premier voyage solo, que j'étais à l'arrache, que je n'avais pas de budget. Heureusement que j'étais partie au Cambodge, parce que quand même, ça aide. Niveau coût de la vie, c'était très peu cher en auberge. Mais en tout cas, bah oui, clairement, je me suis rendu compte que c'était possible de dépenser beaucoup moins que ce que moi, je projetais comme ça sur le voyage, quoi. Tu voyages avec qui? Avant, c'est un peu particulier, mais je faisais des tournois d'échecs et je voyageais beaucoup à l'étranger pour ça. Et du coup, bah, soit j'arrivais à être sélectionnée et là, c'était tout frais payé, mais sinon, c'était hôtel. Tu vois, t'avais même pas le choix de où tu résidais. Oui, donc il y avait la question du budget, de toute manière, c'était pas toi qui avais à réfléchir. Et en plus, j'avais pas la main dessus, ouais, c'était mes parents à ce moment-là qui m'aidaient. Ouais. Mmh. Oui. Et toi, Marine? Moi, c'est plus que j'ai toujours voyagé. Enfin, non, c'est pas vrai, j'ai pas toujours voyagé pas cher, mais pendant mon enfance, mon adolescence, j'ai voyagé avec mes parents. Et là, tu te poses effectivement pas la question. Et puis en plus, quand tu voyages en famille avec des enfants, tu voyages pas de la même manière, je pense, même s'il y en a qui arrivent, hein, on l'a vu la dernière fois. Mais c'est vrai que depuis que je voyage seule, bah, moi, mon astuce, entre guillemets, c'est tout simplement de voyager pas cher, effectivement. Et oui, du c'est coup, possible, en fait. Voilà, c'est possible. Mais on l'a un petit peu laissé entendre en début d'épisode, c'est pas possible partout. Il y a des destinations plus chères que d'autres. Et on choisit aussi les destinations en fonction de ça. L'Islande, ça a été un super voyage, mais on y est resté 10 jours. Et vous avez banqué, quoi. Oui, et on a banqué. Parce qu'on sait à ce moment-là, mais parce quoi. Qu'on s'est dit... On s'y prépare, là, pour le coup. Voilà, mais parce que... Mais là, tu restes 10 jours. Et par exemple, je sais que mon mois et demi en Espagne et au Portugal sur Compostelle cet été, il m'a coûté... deux fois moins cher, exactement deux fois moins cher que l'Islande, alors que ça, il a duré trois fois plus longtemps. Ouais, voilà. Mais tu vois, qui est vachement, vachement intéressant par contre. Et ça, c'est un truc pour vous dire à quel point ça peut ne pas être cher. Et je pense que c'est, il faut se le mettre en tête, c'est que moi, voyager cet été, ça m'a coûté moins cher que de rester à Paris. Ouais. Ouais, ça, c'est pour ça que moi, là, je loue ton appart. Voilà, voilà, parce que coup, j'ai sous-loué mon appart, donc j'avais plus mes frais ici, à Laura, d'ailleurs. Et du coup, je n'avais plus mes frais à Paris. Et du coup, tous mes frais étaient sur le voyage. Et comme sur Compostelle, en Espagne, un gîte public, c'est 6 euros. Et ensuite, tu payes 5 euros de bouffe. Parfois, tu dors dehors. Enfin, et du coup, tes frais sont très, très peu élevés. Et ça m'a coûté... moins cher, beaucoup moins cher qu'un mois à Paris. En fait, je pense que c'est vraiment une question de choix, en fait. C'est clair que, enfin, de toute manière, voyager, ça coûte quand même un minimum d'argent. Vivre de manière générale dans nos sociétés, ça coûte quand même aussi un minimum d'argent. Donc, ça dépend des choix que tu fais, où tu veux les placer. Enfin, voilà, clairement, bah, c'est vrai que moi, j'ai 30 ans, peut-être que j'aurais mieux fait d'investir mon argent, d'acheter un appartement, des trucs de genre. Bon, ben non, j'ai préféré le mettre dans le voyage. Je préfère aussi me dire, là, ça fait des mois que je ne me suis pas acheté une fringue, un truc, parce que je m'en fous, je veux dépenser mon argent pour le voyage. Voilà, c'est une question de choix aussi. Et de choix à l'intérieur de ton voyage, quoi. Moi, du coup, pour le Canada, par exemple, je m'étais renseignée sur est-ce que j'ai intérêt à ouvrir un compte bancaire quelque part. Et du coup, bah, les fiches, je ne sais pas si vous connaissez N26 ou Revolut, mais il y a des cartes qui sont gratuites avec lesquelles on ne paye pas de frais de retrait. Voilà, c'est hyper pratique, quel que soit le pays dans lequel on est. Donc ça, déjà, ça peut grave aider, franchement, ça peut faire la différence si tu restes plusieurs mois. Et voilà, encore une fois, c'est camping, c'est sandwich à la sardine. Enfin voilà, combien de fois je vous ai dit, putain les meufs, j'en ai marre du sandwich à la sardine, quoi, quand j'étais là-bas. On les connaît, la sandwich aussi en Islande, ouais. Plein de miens, on a bouffé. Hein. Ouais, la bouffe en Islande. En plus, tu sais, il est censé y avoir plein de spécialités, mais on les a pas goûtées. On va pas se mentir, on a mangé du réglisse, ouais. T'as goûté du requin faisandé? Oui, j'ai goûté du requin faisandé, ouais, dans ce... Dans la tête que tu fais. Ah, vous l'avez pas, mais. mais non, c'est un goût de fromage, en fait. Non, vraiment. Ah putain. La bougeotte éthique et végétarienne est absente. Non, alors par contre, depuis, je suis devenue végétarienne, donc je pourrais plus le faire. Mais j'étais contente de goûter du requin. C'est pas c'est faisandé? Je sais plus. Enfin, c'est un fumé, truc comme ça. Fumé? Non, c'est pas fumé. Par contre, c'est vraiment. Ils l'ont enterré plusieurs mois dans la terre avant de. Ouais. Tout ça pour dire que oui, c'est possible d'économiser. À mon avis, il y a vraiment trois postes de dépenses qui sont... Sur chaque poste, on peut faire des économies ou quoi. Bah, c'est du coup la bouffe, en effet. Moi, quand je voyage, je me fais pas souvent des restos, je mange sur le pouce, je saute même des repas juste parce que j'ai pas le temps ou quoi. Et nécessairement, ça te fait économiser. C'est un choix. Et ensuite, il y a le logement. Bah, le logement, pour ça, du coup, auberge de jeunesse, grave, ou camping, ouais. Camping, franchement, ouais. Aux États-Unis, ça m'a sauvé la vie, quoi. Ouais. T'as fait ça dans les parcs nationaux? Ouais, j'ai fait ça dans les parcs nationaux et à chaque étape qui me le permettait, en fait. Même en plantant la tente au dernier moment dans les terrains où on arrivait, où on avait de la chance parce qu'il y avait encore des emplacements. Mais du coup... Et ça te coûtait combien, à peu près, une place de camping? Je crois que ça nous coûtait max 20 dollars la nuit à deux, quand un hôtel, c'était juste la folie, quoi. C'était au moins 50 dollars, quoi. Et puis, il y a toujours le camping sauvage ou le fait de dormir dehors. Nous, moi, j'ai plusieurs fois dormi dehors cet été, tout simplement, sur le parvis d'une église ou sur la plage. C'est pas la nuit la plus confort que tu passeras, quoi. Oui, mais, bah ça, c'est sûr que le mais confort, par contre, effectivement, quand tu vois le budget à la fin du mois, tu te dis, bon, je fais un super voyage et... Grave. Et puis j'avais oublié, mais j'avais fait un voyage vélo aussi avec deux copines, et c'est là que je me suis rendu compte que oui, on pouvait faire ça, tu vois, on faisait camping sauvage, et du coup t'es avec ton vélo, donc t'as même pas ton frais de billet d'avion ou quoi que ce soit, tu kiffes, tu rencontres des gens sur la route, c'est trop marrant, enfin t'es hébergé par des gens que tu connais pas gratuitement, enfin voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est que bah du coup ça c'est la même logique aussi que moi j'ai fait du couchsurfing, c'est que tu le fais d'abord, tu te dis, ok, ça va me faire économiser de l'argent, je fais du camping ou camping sauvage ou des trucs comme ça. Mais en fait, ça participe vraiment à l'expérience de ton voyage. Dans le sens où tu vas vivre des trucs de ouf, tu vas peut-être galérer justement pour trouver où dormir, mais ça va te faire des histoires, tu vas rencontrer du monde. Toi, tu avais rencontré un gars qui vous avait laissé dormir dans son terrain, non? Oui, on s'est retrouvés. Bah, en fait, on demandait où est-ce qu'il y avait un cimetière pour pouvoir remplir nos gourdes, parce que sachez-le, il y a toujours de l'eau. Conseil de militaire, il y a toujours de l'eau potable dans les cimetières. Et en fait, le mec, finalement, on a dormi dans la dépendance de son château et enfin voilà quoi, excusez du peu dans un domaine de malade. Pas mal. Voilà, donc oui, c'était. Et puis il y a aussi la solution de bosser accessoirement. Bien sûr, sur place. Moi, j'ai pas encore testé, mais je compte essayer cette fois-ci de faire du workaway, du Helpix ou bah il y a des gens qui le font par eux-mêmes, qui vont voir les hôtels et qui leur proposent est-ce que je peux aider. Et toi, Laura, tu avais fait un PVT, mais tu as fait une demande de PVT. Oui. T'as pas expérimenté. Non, j'ai fait juste une pige depuis l'étranger. Si j'ai fait un boulot au Canada, à Québec, exactement. Oui. Et ouais, non, le troisième poste de dépense qu'il y a, donc on a transport, on a la nourriture, les trucs, les frais annexes. Et non, nourriture, logement et donc le transport. Et le transport. Effectivement, ouais. Ouais, voilà. Le transport, c'est aussi un truc sur lequel, bus de nuit, c'est cool parce que... Vélo. Marcher. C'est pas une blague. Dis la meuf qui a marché, bam. Bien c'est sûr, pas j'ai blague. Marché 1007 km cet été, donc oui, 1007. Tu m'étonnes, ça compte les 7. Hein. Et le stop aussi. Et bien sûr, le stop, ouais. J'avais un petit son pour ça, mais je peux pas le placer. Pourquoi? T'es obligée de mettre un nom. Attention, en plus. Jedziemy autostopem. Jedziemy autostopem. Mais où tu es tout ça? C'était un petit coucou à nos amis polonais. Je sais, Anne-Laure. Ah, ouais, c'est polonais. T'es en polonais, ouais. C'est notre banque sonore des yeux. À pied, tu as dit à pied? Très bien. Alors, on va à pied jusqu'en Allemagne. Non, votre grâce, on va prendre le bus. Le bus. Anastasia. Merci, parce que je savais même pas d'où ça venait. Mais Anastasia, quand pardon. Même. Voilà. On va peut-être pas... J'en ai plein d'autres, hein, mais je vais peut-être pas tous vous les faire. Ouais, alors moi, j'ai un petit souci. Sous l'océan. Non, pardon. On n'avait pas les Disney. Le souci, c'est pas le Disney. Non. Ok, les droits, par contre... Ça, c'en est un. Mais on en parlera plus tard. Où on va être dans le déni, comme moi, actuellement, avec le budget. Parce que, voilà, donc l'argent, c'est prévoir aussi un budget. Je sais pas comment vous faites, vous, les meufs. Perso, je pars donc dans une semaine et demie. Il faut que je prenne du cash, parce que je peux pas utiliser ma carte bleue. Moi, jusqu'à présent... C'est bien, on rappelle. Oui. Voilà. Jusqu'à présent, moi, mon budget, c'était de dire « dépense le moins possible ». Voilà. Et après, tu vois. Et là, je suis vraiment dans la merde parce que je dois prévoir mon budget et je sais toujours pas combien je vais prendre. Je sais pas comment vous faites, vous. Est-ce que vous prévoyez? Est-ce que vous êtes plutôt cash, carte bleue? Enfin, vous faites comment, généralement? Moi, je suis complètement cash parce que j'ai pas encore pris une carte Revolut. Tu m'as donné envie parce que t'en avais une en Pologne et donc je pense que j'en prendrai une la prochaine fois. Il y a vraiment pas de frais quand tu retires, quand tu payes, c'est ouf. Ouais, dans ma banque, j'ai des frais, donc jusqu'à présent, je me la jouais vraiment cash, c'est-à-dire que je retire. Alors, encore une fois, sur Compostelle, tu dépenses tellement peu d'argent que moi, je m'étais arrangée pour retirer, surtout juste avant de passer la frontière, pour retirer en France pour ne pas avoir de frais. Et j'avais retiré 200 euros et je retirais comme ça tous les 200 euros. Et j'essayais de faire gaffe de pas... Comme tu marches et comme tu marches un peu dans la campagne, parfois, tu n'as ni distributeur ni... Ou alors c'est un dimanche ou des trucs comme ça. Donc, il faut quand même faire gaffe. Mais grosso modo, je retirais tous les 200 euros. C'est-à-dire que j'ai retiré trois fois ou trois fois en un mois. Et voilà. Mais parce que en l'occurrence, j'étais sur un voyage tellement peu cher que... Mais donc, sinon, de manière générale, comme toi, je dépense... ouais, à l'étranger. Et tu prévois un budget, tu te fixes temps par jour, est-ce que tu calcules avant, combien ça va te coûter Mais en général, j'ai une idée du coût de la vie dans le pays où je vais. Ouais. Et du coup, je sais à combien le voyage est censé me revenir à la fin, mais effectivement... Enfin, tu vois, je sais que si à un moment donné, je craque complètement en faisant un resto ou alors une grosse soirée qui est en bière ou je sais pas quoi, je sais que je vais faire gaffe derrière. Ouais, voilà. Ok. Et après, ben, si t'as un budget max, ben, enfin, moi, c'est ce que j'ai fini par faire au Canada, quoi. Je savais combien il me restait, je divise par le nombre de jours où je reste et je me dis, ok, là, j'ai déjà dépassé mon max de la journée, donc en fait, c'est pas possible et demain, il faut que j'équilibre, quoi. Et comment tu t'étais fixé ce budget? C'était en fonction de l'argent qui te restait ou... Ouais, c'était uniquement en fonction de l'argent qui me restait parce que j'avais mal estimé mon budget, justement, et du coup, c'était plus cher que ce que j'avais prévu. Et j'essayais vraiment de pas avoir trop de cash avec moi, de faire juste les retraits nécessaires. Et ce qui est dur aussi, c'est si jamais tu voyages à plusieurs et que vous faites un tri-count, parce que là, du coup, le coût de la vie, tu te rends pas compte du tout, vu que vous partagez tout et que chacun note ses dépenses. C'est super compliqué de savoir à combien t'en es, toi. Mais du coup, voilà, moi, j'essayais vraiment de faire gaffe en me disant, OK, par jour, j'ai droit à ça, je suis à peu près à ça, donc c'est la merde où ça peut passer, quoi. Non, par contre, je parlais du cash, mais je fais une petite, une petite parenthèse, mais où que vous soyez et quelle que soit la confiance que vous avez envers vos hôtes ou envers les personnes qui partagent votre dortoir ou quoi que ce soit... C'est toujours assez chouette d'avoir une petite banane avec votre cash, votre passeport, votre portable qui va vous suivre et dans votre lit et dans la douche. Oui, la banane invisible voilà. De chez Decathlon qui se met sous le t-shirt. Essayez de ne pas l'oublier dans la douche quand vous allez prendre votre douche. Ouais. Tu as fait ça? Non. C'était le premier jour. Alors, je vous fais le sonore que Daisy ne diffusera pas. Oups, ma banane est restée dans la douche. Mais voilà, la question de l'argent, c'est aussi la question de l'éthique. Oui. Et tu avais envie de nous en parler parce qu'on a pas mal parlé d'un phénomène récemment qui s'appelait les backpackers. Oui, absolument. Je voulais parler des backpackers. En fait, bon, je pense que tout ça part un petit peu de ce fantasme, cette idéologie de voyager sans argent, qui est quelque chose qui existe. Il y a des gens qui voyagent vraiment sans argent. Et bah, on en a un petit peu parlé ici. On a toutes... parfois fait du stop, on s'est fait héberger, moi aussi je me suis fait héberger parfois par des gens que j'avais rencontrés comme ça, on s'est parfois fait offrir à manger, et à chaque fois, enfin ça c'est des moments je trouve assez extraordinaires en voyage, c'est les moments où vraiment tu fais des rencontres, c'est des moments super précieux en fait. Ouais complètement, t'es dans la bienveillance, c'est désintéressé. Oui. C'est désintéressé, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez cette émission Nuée culottée. Oui. J'adore cette émission, je sais pas pourquoi, j'ai eu... J'en ai binge-watché, d'ailleurs je vous la conseille, elle est sur YouTube et elle est intégralement disponible sur YouTube gratuitement. Okay. C'est pas souvent, donc... Allez-y, quoi. Alors, moi aussi, je l'aimais bien. Je l'ai beaucoup regardé, mais je soulignerai quand même que c'est deux hommes blancs. Voilà. Alors, oui, voilà. C'est deux hommes blancs, on est d'accord. Par ailleurs, pas... C'est pour ça que je sous-entendais, que je comprenais une des raisons qui te fasse aimer cette émission. Hein. Pour rappeler un petit peu le contexte, ça s'appelle Nus et culottés parce qu'ils partent tout nus. Ils se font poser par des potes ou je sais pas, et ils sont culottés, ils se font poser par leurs potes je sais pas où, et à chaque fois ils ont un objectif qui est un peu marrant, c'est-à-dire rejoindre Bruxelles pour aller manger un chocolat avec le roi de Belgique, ou bien aller caresser un ours dans les Pyrénées ou je sais pas quoi, et du coup on les voit faire du stop, dormir chez les... demander de l'argent. Demander des fringues, effectivement, ils ne demandent jamais d'argent, ils demandent des vêtements et ensuite ils essayent de loger chez les gens, de partager un peu de temps avec eux. Mais ils sont dans une démarche qui est extrêmement bienveillante en fait, et qui est extrêmement. Et d'ailleurs, je trouve que chaque épisode est un peu. Il y a toujours au moins une très très belle rencontre, très émouvante, où on découvre quelqu'un, que ce soit dans une voiture ou chez quelqu'un. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose. Pour moi, c'est un petit peu l'essence du voyage. C'est le truc le plus pur que tu vas rechercher en voyage. Et puis, j'ai découvert les backpackers. Ouais. Ouais, c'est ça, moi, c'est ça, c'est cette dimension-là qui me gêne, de me dire, c'est des privilégiés, donc ils sont capables de se mettre dans cette situation-là et d'en profiter pour que et ça marche. Et de s'en sortir si jamais tu décides que tu as envie d'arrêter le jeu. Voilà, quoi. Alors qu'en fait... Alors voilà, ça c'est l'émission, je suis d'accord. Et puis, il y a ce fameux phénomène qui a émergé il y a quelques mois. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Pour les non-anglophones, backpacker, c'est quoi ? C'est un néologisme, quoi, entre backpacker. Backpacker, c'est voyageurs qui voyagent en sac à dos. Backpack, c'est sac à dos. Et to beg, qui veut dire mendier. Et en fait, ça a émergé il y a quelques mois. On a vu plusieurs articles sortir, surtout en Asie du Sud-Est, de voyageurs occidentaux qui mendiaient. Dans des gares, dans des aéroports en Asie du Sud-Est, donc qui sont des régions réputées comme où la vie n'est pas chère, etc. Les gens ne gagnent pas l'argent surtout. C'était assez les photos. Alors moi, en fait, il y a une photo qui m'a vraiment marquée où on voyait en fait un couple mendier comme ça occidental jeune, etc. Mendier et sur leur pancarte, il y avait écrit supporter notre tour du monde et leur pancarte était tenue par leur appareil photo réflexe. Tu vois. Et là, tu te dis qu'il y a de l'indécence. Bah, en fait, c'est ça. Ça semble totalement indécent. Et puis, en plus, on lit plusieurs articles dessus et puis on voit des personnes qui vivent là-bas. On apprend que c'est un phénomène qui commence à énerver les gens qui vivent là-bas. Ce qui est bien normal, puisque là-bas, mendier, c'est réservé. Et puis d'ailleurs, ici aussi, généralement, mendier, c'est réservé aux personnes qui sont dans le besoin, qui font ça pour survivre, pas pour voyager, pas pour se payer quelque chose qui est considéré comme un luxe. Et puis, il y a même eu des analyses de personnes sur place qui nous expliquaient qu'il y avait un peu un phénomène quasi raciste, néocolonial. C'est-à-dire ces personnes arrivaient là-bas en considérant que le local était généreux. Tu vois, c'était cette personne généreuse qui était là pour faire plaisir aux touristes, etc. Est-ce qu'ils s'attendaient vraiment à ce que ce soit des locaux qui leur donnent de l'argent ou est-ce qu'ils faisaient ça plutôt à destination des autres touristes, enfin. Mais en tout cas, ils y venaient en prenant eux quelque chose et en donnant rien. Enfin, quand t'es dans cette démarche-là, c'est quand même comment super tu peux, problématique. Ouais, comment mais alors tu voilà. Mais alors du coup, c'est vrai que on le voit pas mal. On a vu pas mal ces choses-là circuler un peu dans les cercles quand on est en ligne sur le groupe des backpackeuses, etc. Et il y avait toujours des personnes pour nous dire, mais c'est quoi la différence avec les gens qui font du stop, les gens qui sont hébergés, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Pour vous, c'est quoi la différence c'est quoi la différence pour vous? Bah, tu demandes, quand tu fais du stop, tu rentres dans la voiture du mec, tu vois, je veux dire, de toute manière, il allait d'un point A à un point B, et tu partages du temps avec, et en général, t'arrives pas comme un gros relou, tu partages aussi, tu discutes avec la personne, t'essayes d'être sympa, quand tu vas loger chez quelqu'un, moi, c'est ce que je faisais, j'apportais toujours quelque chose, soit un cadeau, si j'ai pu ramener un cadeau de France, ou quand c'était pas le cas, bah, j'ai invité au restaurant, ou tu ramènes des trucs à manger, enfin, il y a un échange, il y a un vrai partage, tu demandes pas... quelque chose. Enfin, là, et puis je pense que tu demandes pas d'argent surtout. Ouais, déjà, ouais, c'est vrai. Il y a aussi ça. C'est un échange qui repose pas sur quelque chose de monétaire. Ouais. Et tu te mets pas en concurrence avec des gens qui en ont infiniment plus besoin de toi dans un pays où tu sais que le niveau de vie est super bas, quoi. Parce que comme tu le disais, c'est surtout en Asie du Sud-Est qu'ils le font, quoi. Et là, c'est juste pas possible, quoi. Voilà. Et donc, je voulais parler d'une autre personne dont on a pas mal entendu parler sur les réseaux sociaux ces derniers mois. C'est Sarah Gisler. Elle s'est fait connaître sous le pseudo de l'aventurière fauchée. Et parce que, notamment, elle a alimenté une page Facebook, un blog, pendant qu'elle voyageait autour du monde. Donc là, elle est rentrée. Alors, ça a été un peu très pratique pour moi, parce que du coup, il y avait un article qui résumait absolument tout ce qu'elle avait fait. Donc, je pouvais bien me rendre compte. Et elle était vraiment partie dans le but de voyager sans argent. Et c'était presque une démarche un peu philosophique, se poser la question de où est la place de l'argent dans notre société. Et pour autant, elle ne voyage pas comme ses backpackers. C'est-à-dire qu'elle fait du stop. Parfois, elle n'a pas mangé pendant 3 jours. Elle le raconte sur son post de blog. Elle a logé chez l'habitant, mais aussi, par exemple... Donc, en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'elle est partie. Donc, elle vit en Suisse. Elle est descendue jusqu'à Gibraltar en stop. Ça lui a pris un mois. Et puis, une fois là-bas, elle a réussi à se faire embarquer sur un bateau, un voilier d'une famille qui traversait l'Atlantique pour aller jusque dans les Caraïbes. Et tout simplement, en fait, elle a réussi à se faire accepter sur ce bateau parce qu'elle a aidé, parce qu'elle a travaillé pour eux, elle s'est occupée de leur petite fille, elle a nettoyé. Et c'est-à-dire qu'il y a toujours eu un échange. J'ai vu dans la suite de son voyage qu'elle a fait 3 missions de volontariat. Une qu'elle a trouvée sur Workaway, on en parlait plus tôt, où elle s'occupait de 3 garçons sur l'île de la Dominique pendant un mois et demi. Oui, parce que c'est des plateformes où tu peux faire un peu tout. Il n'y a pas que du... Pas comme le woofing où tu travailles que dans des fermes. Là, tu peux aussi donner voilà. des cours à des enfants, tu peux travailler dans des restaurants, tu peux faire tout. Et en échange de ça, tu es logé et nourri. Elle a aussi fait une mission de volontariat pour Sea Shepherd, pour venir en aide aux réfugiés d'Irma, à ce moment-là. Et puis, pour finir, elle a fait une mission de volontariat chez GeoParadise, qui est une association qui s'occupe des personnes issues du Panama, des tribus du Panama, pour améliorer leurs conditions de vie. Donc, je pense qu'elle est dans une autre démarche. Et quand elle en parle, tu sens qu'il y a quelque chose de différent. Notamment, elle a fait 25 000 km en stop, ce qui est complètement incroyable dans sa vie. Mmh. Et elle en parle, elle fait l'éloge du stop. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas ça pour... Enfin, bien sûr qu'elle fait ça pour avancer sur son trajet, mais tu sens que pour elle, c'est des moments précieux, quoi. Des moments de rencontre incroyables, quoi. Et c'est ça qui est précieux. Je pense que la différence, elle est là, en fait, tout simplement. Tu n'es pas là pour profiter. Bien sûr, ouais. Est-ce qu'on peut faire un point sociologue? S'il vous plaît. Ouais, je sens que tu ne résistes pas. J'en peux plus. Non, mais du coup, moi, je voulais... Enfin, Marcel Mauss, quoi. Marcel Mauss, logique de don et de contre-don. Mm. Et en fait, ouais, en t'entendant parler, je me dis, OK, c'est ça la différence majeure entre les backpackers et ce type de voyage-là. C'est que Marcel Mauss, donc, il a fait un essai sur le don. Et la logique, c'est donner, recevoir, mais rendre. Et donc, en fait, dès qu'il y a un don, il y a un contre-don. Et donc, elle, comme tu dis, elle voyage de cette façon-là, mais elle est toujours dans une logique de contre-don où, à sa manière, elle va apporter un truc, tu vois. Et c'est comme ça aussi qu'on peut défendre Nu et Culotté dans une certaine mesure, parce qu'aussi, ils font des trucs trop cool pour leurs hôtes et ils sont sympas avec eux, etc. Oui, il faut dire qu'effectivement, dès qu'ils partent, ils font le ménage, voilà. Ils font un repas. T'as un vrai lien social. Ils laissent un petit origami à un moment donné. C'est des trucs très mignons, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien, donc ils ne peuvent pas acheter. Oui, ils peuvent pas laisser quelque chose. Ou des fleurs ou des chocolats, mais... Mais en tout cas, tu recrées du lien social, quoi. Voilà, je pense que c'est ça. Là. Marcel Mauss, je te kiffe. C'était super inattendu. Ça venait du cœur. Et du coup, voilà, c'était un petit peu ça dont j'avais envie de parler, parce que voyager sans argent, il y a différentes façons de voyager sans argent, clairement. Et puis, il y a voyager avec les gens, voyager en faisant des rencontres, voyager en échangeant, et puis il y a voyager en profitant. Voilà, c'est beau. Et pour conclure, moi j'ai envie de vous dire ça. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Money isn't real, George. Doesn't matter. It only seems like it does. Voilà. Ça sort d'où? Je sais plus quel film. Tu me demandes le seul dont je me souviens pas. Oh, mais moi aussi ça me dit quelque chose. Attends, my name. Blow, je crois. Money is not real, George. Voilà, l'argent. L'argent, évidemment, qui il en faut pour réussir à voyager, etc. Mais ça ne doit pas être la chose qui est au centre de la démarche. Quand on voyage, l'argent, ça doit nous aider, juste. Et voilà. Ben, sur ce, on va peut-être conclure cet épisode. On espère que ça vous a plu. On a testé un petit peu quelque chose de différent. On a envie de partager un peu nos expériences, surtout nos avis. Et, ouais. Parler de ce sujet qui avait l'air d'être au cœur quand même de beaucoup de questions qui m'en venaient, en fait. D'échanger un petit peu là-dessus. Et puis, on vous donne rendez-vous quand? Moi, je ne sais pas parce que je ne serai pas là. Mais on vous tient au courant, peut-être. Vous verrez. Ouais, ça tombera bien dans votre fil. Et moi, j'ai presque envie, après avoir diffusé le sonore d'Anne, de finir sur une chanson de Janis Joplin, non? Ça vous dirait pas? Cause I'm leaving on a jet plane. On pourrait passer cette chanson. Okay. Eh bien, écoute, Vas-y. Je la passerai. En attendant, on vous fait des bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de nous partager, de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, de nous mettre des commentaires, parce que ça nous fait super plaisir à chaque fois qu'il y en a un nouveau. Et puis, on vous dit à très bientôt. Et voyagez, faites bon plaisir. Voyage. Voilà. Profitez de vous. À bientôt. Salut. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, blowing his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. simmer, let me kiss you. And close your eyes and I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the times that I won't have to say.